toi, tu m'écoutes. Est-ce que tu sais ce que tu réalises? Tu ne sais pas à quel point la vie peut être difficile. Rien quand on va se sentir compte, tu comprendras toutes ces difficultés. N'abandonne jamais. Si tu abandonnes, c'est comme si tu abandonnes. C'est comme si tu étais le perdant. Et être le perdant, ça veut dire que tu n'es que moins que rien. N'abandonne jamais. Si tu abandonnes, tu n'es qu'un lâche, donc ça veut donc tu vis. Tu abandonnes, tu perds la vie, tu perds la face, tu perds tes amis aussi. Alors, n'abandonne jamais. Si tu oses abandonner ne plus qu'à l'instant, tu verras à quel point la vie sera beaucoup plus difficile pour toi. Alors un conseil, n'abandonne jamais, jamais, jamais. Si tu abandonnes, tu perds non seulement ta vie, ta face, ta réputation, ton honneur, tu perds tout toi. Alors, n'abandonne jamais. Si tu oses abandonner, tu n'es qu'un sale perdant. Abandonner, ça signifie que tu te soumets à l'autre, que tu acceptes de perdre. Alors que tu pourrais, au lieu d'abandonner, tenter au moins de faire l'enfant. Mais bon, tu as abandonné, tu as tout perdu. Tu risques ta vie pour des broutilles, et ça, c'est pas tolérable. Pourquoi? Pourquoi abandonner? Ça ne sert à rien, ça n'attire que des problèmes. Alors franchement, dis-moi la raison. Pourquoi? Pourquoi tu abandonnes alors que tu es si près du but? C'est vraiment hallucinant à quel point on peut abandonner quelque fois. Alors, n'abandonne jamais. J'ai bien entendu, si tu oses abandonner ne plus qu'une seule fois, cela signifie que tu n'es qu'un sale perdant et que tu ne peux rien avoir dans la vie. Alors à tout point, n'abandonne jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Tu abandonnes, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un sale lâche. Alors, si tu n'abandonnes pas, tu vas devenir un héros. Tu seras quelqu'un de bien, respecté, tout, avec plein d'honneur et tout. Alors, n'abandonne jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'abandonne, surtout pas, jamais.